بسم الله الرحمن الرحيم. فماذا يا إخواننا؟ فدعوتنا عندنا أغلى من الذهب وأغلى من أرواحنا، أغلى من أرواحنا التي هي عندنا أغلى من الذهب، فلسنا مستعدين أن ندنجها ولا أن نلوثها، ولكن دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى كتاب وسنة فيه من نجاة، وسنة فيه من نجاة، وخلاف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى بر الأمان. الدعوة السلفية باليمن. أنا plaisir de vous présenter. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. شيخ سعد الآن يتمنى أن لا في غزة بقول مؤمن، أما الكافر أبدا. والله il est في ضيق وفي ضنك. Celui qui s'écarte du dhikr, et de l'iman, de tawhid, de l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala, il a montré automatiquement il aura une vie de dhiq et de ta'ab. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نبدأ إن شاء الله تعالى في هذا اليوم قراءة هذه الرسالة المفيدة النافعة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. Comment أو les moyens bénéfiques للحياة السعيدة pour avoir une vie heureuse. للإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه. طهمونير ابن أحمد المغربي حفظه الله تعالى. كور نمبر 2. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، لا نزال في قراءة هذه الرسالة النافعة المفيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله عليه، صاحب التفسير المشهور. لست رسالة ونعيبه في المقدمة أنها المهمة النافعة جدا، لأن ما من شخص يرحمك الله، ما من إنسان وإلا يريد السعادة في الدنيا وفي الآخرة، خاصة المؤمن يريد السعادة في الدنيا والآخرة، أما الكافر هو يريد في الدنيا. على كل حال، الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه il a écrit cette رسالة pour montrer les causes, الوسائل. Il y en a chaque chose, elle a une cause. Parce que celui qui va avoir une vie heureuse, il y a des causes, أسباب شرعية، des أسباب مباحة كذلك، il va les citer. Et nous, on avait commencé avec l'Ikhwan le début, et Inch'Allah, on essaye de continuer. On reprend, il y avait une longue coupure entre le premier dars et le deuxième. On reprend au premier paragraphe. قوله فأخبر تعالى. قال الشيخ سعدي رحمة الله عليه فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح. أي في قوله عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. قال والعمل الصالح بالحياة الطيبة، نعم قوله فلنحيينه حياة طيبة. قال في هذه الدار، أي في الدنيا. قال وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار، أي في الآخرة. ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، أي في الآخرة وفي الدنيا كذلك. دونك استآياء المطخ لأصل أساسي لا كوز برانسيبال pour être heureux, l'iman ou l'amal al-salih. L'iman al-sahih, l'aqid al-sahih, l'aqid al-salaf, et l'amal al-salih, aïe, suivre le sunnat al-Nabi alayhi salatu salam. Celui qui veut être heureux, c'est deux points. Tahqiq shahadati an la ilaha illallah, c'est l'iman. Et tahqiq shahadati anna Muhammad al-Rasulullah, c'est ça l'amal al-salih. Tu'min bi annahu rasul et tu le suis. L'anna al-amal al-salih, c'est selon sa sunnah. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لماذا إلى مردود؟ لأنه إلى بعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبع عمل صالح. لهذا الله سبحانه وتعالى لا accepte pas. Deux choses pour être heureux: التوحيد والمتابعة. متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال والسبب ذلك واضح، فإن المؤمنين بالله الإيمان الصحيح المثمر للعمل الصالح. On avait lu ce passage. أن الإيمان صحيح ça doit donner des fruits, مثمر ça vient de ثمرة. Ça doit donner des fruits, c'est l'amal al-salih. قال المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. نعم. Ça montre qu'un celui qui fait ضيق, تعب, il revient à سنة النبي صلى الله عليه وسلم, il fait التوبة. قال والآخرة معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج وأسباب القلق ولهم والهم وأسباب القلق والهم والأحزان. Tout ça, il y a des asbab. A'azam, l'asbab, comme a dit, l'Iman al-Sahih. قال يتلقون المحاب والمسار بقبول لها والشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع فإذا استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بها والطمع في بقائها وبركاتها ورجاء ثواب الشاكرين أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التي هي ثمرتها. نعم. Il fait ses asbab, l'iman, l'amal al-salih, et inshallah c'est la cause, ça va illuminer son cœur, ça yartah. Et ça yashkur Allah subhanahu wa ta'ala. كذلك سيصبر. ولو il est éprouvé, مثل هذا الشخص الآن, حقيقة, il vit une vie heureuse. ولو il est éprouvé, بإذن الله عز وجل, il a les armes, il a les choses pour affronter cette épreuve. ما بالك كافر مجرم ان بتيت شوز ربما ينتحر انا سا مجرم لا قد ايمان ان بتيت شوز ربما ليسانسيمون ربما ديفورس ليسانسي وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم سيس في ليسانسي لعل سا خير يتخوم ترافاي ميور الى بليس سون دين اكثر او ديفورس ربما il était marié مع فاسقه مع مجرمه et il se remarie avec une صالحه سا خير اما الكافر لا يصبر على هذه الامور لماذا لأنه لي موك سو بوين الايمان بالله. قال ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومه. تامل الى سيتي لو كاد المؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لامر المؤمن بس تير حديث عجبا لامر المؤمن الى سيتي لو كا او il est touché par des choses qui le rendent heureux يشكر et il s'efforce à faire plus de ijtihad, il reconnaît la ni'ma. S'il peut faire partager aux autres, il fait partager. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala akramahu bil ilm. Il fait ta'wa, il fait partager, il montre. Ni'ma. S'il est touché par makare, ta'amal le mouqif qu'il va avoir. Limada li anna illa l'an huwa cette chose. Al-ilm, al-iman, al-sabr, al-amal al-salih. Tout ça, bi'inna l'azza wa jalla, ça l'aide à ne pas s'égarer. À ne pas baisser les bras. Par l'azza wa jalla, al-asr. إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإنسان اللي في خسر يبقى صبر. ما من إنسان يبقى صبر. إلا هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته وتخفيف ما يمكنه تخفيفه. نعم. المؤمن يبقى جامل يبقى غدا. Il ne doit pas baisser les bras. Même s'il lui arrive un jour de flancher, de baisser les bras, il se reprend. T'es éprouvé par une chose, essaye de khaffaf. Essaye de repousser cette chose totalement. Si tu n'arrives pas, au moins tu khaffaf. Prends l'exemple de la maladie maintenant. Là, il y a tous, tu baisses les bras. Tu baisses les bras et tu te laisses aller. Là, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il y a ibad Allah, tadawou. Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme une ayah, il montre qu'on n'a pas le droit de se suicider. Voilà, taqtulou anfusakum. Tuqawim. Al-muqawama, c'est se battre. Faire face. C'est mohim, hada. Jamais les baisser les bras, que ce soit en face d'un adou, que ce soit en face d'un mubtil, un mubtadi', que ce soit en face d'une épreuve, maladie, pauvreté. Ah, ben tu baisses les bras. Tu fais ce que tu peux, tu arriveras à un stade, bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera une issue. وَمَا يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Lakin, avant ce makhraj, Allah il t'éprouve. Fasbir. Iqawun. قَالَ وَتَخْفِيف مَا يُمْكِنُهُ تَخْفِيفُهُ. Ça montre qu'il y a des épreuves, masa'ib. Tu n'arriveras pas à les enlever complètement. Là, c'est une épreuve. Bon, pas mal, tu khafif. Khafif, c'est une ni'ma. Takhfif, ce takhfif, c'est une ni'ma min Allah. Aïe, un allègement dans ton épreuve. Qal wa sabrul jamil lima laysa lahum anhu bud. Aïe, il y a des choses, tu n'as pas le choix. Tashbir. Liyada qal laysa lahum anhu bud. Aïe, tu n'as pas le choix. Allah est éprouvé bihala. Maintenant, une maladie. Tashbir. Tashbir, ça ne partira pas du jour au lendemain. Illa yaja Allah, si cette maladie elle dure, tashbir. لابد من هذا الله يتدخل. قال وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من المقاومات النافعة والتجارب والقوة ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا عظيمة تضمحل معها المكاره. صحيح الذي يحتسب par rapport à cette épreuve, في الحقيقة الأجر qu'il est en train de gagner, ce mu'min يحتسب لأنه يpatient, il sait qu'il est éprouvé, maintenant il prend la maladie, il patient, il sait qu'Allah il l'éprouve et il dit pas des kalam, des mauvaises paroles, sakhat, ou il insulte, ou il se plaint, abadan. Il patiente et yahtasib. Il sait que Allah subhanahu wa ta'ala, il lui veut du bien, limada, liyannahu c'est un mu'min. Hada l'an il est ma'jour, fa fil haqiqa, le ajr qu'il a, par rapport à cette musibah, la musibah fil haqiqa, ça n'a rien à voir avec le ajr qu'il a. Fa fil haqiqa, même dans ce ta'b, dans cette musibah, dans ce ibtila, il est à la khayr. Et avec cette explication, tu comprendras le hadith qui va citer l'an. Qala. وتحل محلها المسار والآمال الطيبة. نعم. Cette tristesse, ce ta'b avec l'ihtisab et la patience, بإذن الله il est remplacé par l'espoir, par le farah, par le khayr. قال والطمع بفضل الله وثوابه كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. عجبا لأمر المؤمن. صحيح سو أمر لعجيب مؤمن كوا كيلو أغيب إلي في خير بشرط الاحتساب الإخلاص. أما celui qui patiente pas, بعض الناس يpatiente pas مثلا la maladie ou l'annonce de la mort d'un proche, هؤلاء لا هؤلاء ils sont في إثم. بعض الناس والعياذ بالله ils disent du كفر, ils s'énervent مثلا, ils insultent حتى الله, ils insultent الدين, هذا c'est un كافر. لكن هنا عجبا لأمر المؤمن الذي يصبر. قال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة, معروف أن مرة النبي صلى الله عليه وسلم مر على مرأة هي البلوغي دفع القبر إلي هذه اتق الله واصبري إلي ها répondu, elle savait pas que c'était le Rasoul عليه الصلاة والسلام, elle lui a répondu أنه il ressent pas ce qu'elle est en train de vivre, elle savait pas elle que c'était le Rasoul. ثم ils l'ont informé, ils ont dit يا فلانة هذا c'est le Rasoul. Elle est partie le voir. Elle lui a dit, je ne savais pas que tu étais le Rasoul. Il lui a dit, As-sabru inda sodmatil oula. Il lui a démontré, elle c'est trop tard. Elle aurait dû patienter au départ. Al-muhim, c'est au départ. Amma ba'd, katir min al-nas, il est éprouvé. Tomma, une semaine après, un mois après, il dit, c'était une épreuve. Là, s'il n'a pas patienté, Obama a dit, kalam, il n'est pas taïb. Hada, il est athem. As-sabru inda sodmatil oula. Et c'est ça, sabr. Amma, au bout d'un mois, un an, tout le monde patiente. Comme il y en a, ils sont éprouvés par une maladie, par la perte d'un enfant. Au début, Mayasbir, tout le monde, au bout de 6 mois, 1 an, halas. C'est pas un sabr, hada. Il n'a pas de sabr. Là, un sabr, c'est fait sodmatil oula. Ajaban li amri l'mu'min, inna amrahu kullahu lahu khayr. Ou inna amrahu kulluhu khayr. In asabatu sarra. Aïe, quelque chose qui le rend heureux. Ça vient de surur, sarra. Quelque chose qui rend heureux. Shakara fakana khayran lah. Hada wadi. Il est touché par quelque chose qui le rend heureux, un enfant ou autre. Et yashkur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un khayr pour lui. Qala wa in asabatu dharra, ça vient de dharr, aya mal. Sabara fa kana khayran lah. Il patiente, c'est un khayr pour lui. En haqiqa, le mu'min il est fi khayr. Lakin, la budd hada as-sabr fi as-sadmati al-oula. Qal wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min, rawahu Muslim. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن, لأن الكافر اللي في شر, الكافر اللي في ضيق, الكافر اللي لا بد إيمان, سيعمل سوى مقبول, يpatient أو با, كما قال عز وجل اصبروا أو لا تصبروا, اصبروا أو لا تصبروا, يصير في النار, يpatient أو يpatient با, يصير في النار الكافر. فهذا سي خاص pour le مؤمن, ça montre l'importance de l'iman. أما الكافر ما بالك ولو il est prouvé maladie, جوع, فقر. Et il patiente, tout ça, c'est, ça ne sert à rien du tout. Il sera fait nar, s'il meurt à la kufri. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره. غنمه أي أجره. وخيره. لعله غنمه, ça vient de الغنيمة. أي أجر حسي. فغنمه كأنه سي, نعم, سو أجر. قال وخيره وثمرات أعماله في كل ما يطرق من السرور والمكاره. نعم يتضاعف المؤمن إليه في خير عظيم. La vie c'est هكذا. إما تيغو إما تمالغو. إما تفي نعمة إما تفي نقمة. Dans les deux cas المؤمن إليه في خير. Dans les deux cas. حقيقة Ce hadith, في الحقيقة يكفي. T'as une épreuve, rappelle-toi de هذا. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته ضراء فشكر كانت خير له. أصابته ضراء فصبر فكان خير له أو خير له. حقيقة هذا الحديث اللي مهم جدا. Ça sert à rien de perdre son calme, de stresser. بعض الناس يسنرف ينسلط يطعن. Ça sert à rien. Tout c'est biqadar illah. Allah est éprouvé, cette épreuve tu l'auras. Allah l'a décrété. Faslim. Nous on doit apprendre à tirer des bénéfices, des fruits des épreuves. Maintenant t'es éprouvé, t'es éprouvé. Maintenant, qadar Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il reprend ton enfant il meurt. Qadar Allah. Il est mort, khalas, tu ne pourras rien faire. Autant profiter de cette épreuve. Tasbir, tu fais du'a. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, cet enfant qui meurt, qui est mort, il te fait shafa'a yawm al-qiyamah, premier fruit. عَسَى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى il te donne un enfant صالح. Allah il se remplace par quelqu'un de meilleur. Deuxième fruit. Troisième fruit, tu prends l'habitude d'un tas des épreuves. Si tu as perdu ton enfant et tu patientes, pas autre chose, ça sera أسهل. المؤمن يتعود avec les épreuves. هذا سنة أما perdre son calme, insulter, c'est عليك. Wallahi c'est عليك. خاصة العوام مساكين ils ont des عجائب في هذا. قال لهذا تجد اثنين. إذن أنا إكزامبل الآن. لهذا تجد اثنين. الشيخ سعدي رحمة الله عليه. يقول سي بور سا تو تروف دو جور دو بيرسون. قال تطرقهما نائبة من نوائب الخير والشر. فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. صحيح. دو بيرسون إذن لا ميم إبخول. هذا سون أنفون يمور هذا سون أنفون يمور. Tu trouves هذا إلى الإيمان عمل صالح سنة علم Inch'Allah il sort encore plus grand de cette épreuve. Il patiente, c'est un khayr pour lui. Un autre, tu le trouves, il a perdu son enfant et il perd beaucoup. ربما il perd son din. Tellement qu'il désespère, il désespère. Il aussi الظن بالله عز وجل ربما il insulte. ربما il croit que son enfant il a été enlevé injustement. Tout ça c'est du kufr. Et ربما يرتد بعضهم بوضوح. Deux personnes, deux mêmes épreuves. واحد il sort des fruits bénéfiques, Allah il l'élève, un autre il perd tout. C'est quoi la différence? C'est deux êtres humains. C'est deux hommes, Rabbama, ils ont le même corps, la même force. C'est quoi la différence? C'est le cœur. هذا il est على إيمان وهذا il est على ضعف إيمان ou il n'a pas d'إيمان. Sallallahu alayhi wa sallam. قال تفاوتهما بالإيمان والعمل الصالح. C'est ça la différence. Donc toi, ayyuhal mu'min, tes efforts placés dans ces deux choses. T'as ta'ajjab ba'dannas pour avoir une vie heureuse, il gaspille des millions, il gaspille du temps. Et il délaisse les deux fondements. Al-iman ou al-amal al-salih. C'est ça, si tu as une vie heureuse, donne du temps à ça. Al-iman ou al-amal al-salih, c'est pas une étiquette. Là, c'est lié avec l'ilm. Si t'as pas d'ilm, l'iman il va être fondé sur mal. Kathir ibn al-nas, il prétend que c'est des mu'minin. Hatta al-yahoud wa al-nasara. Ils prétendent que c'est des croyants. C'est min akfar al-nas. C'est min sharr al-bariya, comme il a informé Allah Azza wa Jal. Ce iman, il est fondé sur l'ilm. Anta ne pense pas que c'est une étiquette. Ou c'est. Faqat c'est nasab. Mon père, c'est un musulman mu'min, donc moi, je suis un musulman mu'min. Abadan. Al-iman, c'est ma waqara fil qalb. Wa saddaqahu al-amal. Comme a dit Ba'd al-Salaf. Al-amal al-salih, kadhalik. Al-amal al-salih, c'est pas ce que tu penses toi. Ou ce qu'il a fait ton père, ou ce qu'ils font dans ton pays, ou ce qu'ils font les gens. Là, al-amal al-salih, c'est ma wafaqa sunnat al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-Rasoula. C'est l'amal al-salih. Al-an, pour parfaire ces deux points, al-iman wa al-amal al-salih, belle pour les authentifier, kadhalik, la'bud min ilm. L'importance de talab al-ilm, hatta pour l'awam. Talab al-ilm, c'est comme a dit dans le hadith, talab al-ilm farida ala kulli muslim. Et le fard, c'est ça. Connaître sa aqidah, connaître son iman et l'amal salih. Maintenant, on est en période de siyam. Al-siyam, il a des choses. Al-siyam, il a des annulations. Al-siyam, il y a des choses mustahabba. Il y a des choses, ça ne fait aucun mal à ton siyam. Le musulman, il doit apprendre ça. C'est ça l'amal salih. Tu as de l'argent. Ça fait un an que cet argent, elle n'a pas bougé. Tu dois sortir zakat. Si la somme, elle est balagat al-nisab. Tu as de l'argent, c'est bientôt la période du hajj. C'est ça l'amal al-salih. Avec toutes ces choses, bi'idnillah, tu auras une vie heureuse. Amma pas de zakat alors que tu as de l'argent, pas de hajj, al-siyam, il fait siyam, robama il fait pas salat, robama il croit qu'Allah il est partout, robama il croit que sorcier foulain il peut l'aider, robama il croit que ce mort, s'il lui demande, il lui répond, ayn al-iman, ayn al-amal salih. Tu le trouves, il est fait dhiq. Il croit qu'il a l'iman, lakin c'est min ab'ad an-nas an al-iman. Ce iman, il a des contradictions. Là, tu fais attention, akhi muslim. Ce iman, il a des piliers. Là, tu les concrétises. Anta. Ce iman, il a des shurut, il a des conditions. Hada, la bud min al-ilm. Il va appuyer sur hada, rahmatullah alayh. Il va citer hada la shaykh. Qala, wa hada al-mawsuf bi hadayn al-wasfayn. Ay, al-iman wa al-amal al-salih. هذا الموصوف بهذين الوصفين أي celui qui a ces deux caractéristiques الإيمان والعمل الصالح قال يلتقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما يتبعهما فيحدث له السرور والابتهاج وزوال الهم والغم والقلق وضيق الصدر وشقاء الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار صحيح. Celui qui fait des efforts, ces deux points, al-iman ou al-amal al-salih, bi-idhnillah azza wa jal, il sera apaisé, heureux, il a un but dans sa vie, il a une épreuve. Voilà où. Là, chacun a rien, tu peux être triste, tu peux être énervé, lakin, sur'an ma yazoul dhalik, et tu le trouves, bi-idhnillah azza wa jal, il est à la khayr, il est à la thabat. Et le meilleur moyen de comprendre hada, étudier sirat al-anbiya wa al-rusul, wa al-sahaba wa al-salaf al-salih. كم des épreuves ابدا نحن نصبر عليها ابدا لماذا لانه on a pas leur force dans ces deux points l'amal salih wal iman لكن vu qu'ils ont atteint un niveau azim dans ces deux points iman wa amal salih des épreuves عجيبة. Ibrahim alayhi salatu wa salam il est rejeté par tout son peuple, son père et tous, il le jette في النار يصبر. Moussa alayhi salatu wa salam il est expulsé de Misr. Pharaon avec son armée, ils veulent le tuer, ils le poursuivent. Yasbir. Hatta Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné le faraj. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son peuple, il le rejette, il l'insulte. Kadhab, Majnoun, Sahir. Il est rejeté de Mecca. Ahabu ad-diyar ilay. C'était la meilleure terre pour lui, Mecca. Il aimait Mecca. Il a été forcé de la quitter avec tout ça, sabr. Sabr, ce qu'Allah fataha alayhi. C'est quoi l'âne qui fait la différence? C'est l'iman ou l'amal salih. Wallahi, c'est pas le quwa, c'est pas le zaka, c'est pas l'argent. Evident. C'est ça, c'est l'iman ou l'amal salih, et tout tourne autour de ça. Dès que tu as concrétisé hada, tu es à la khay. Lakin, délaisser ces deux choses et se préoccuper avec l'ahwa, avec l'adhaya', voilà, hada, ça te fera du mal, akhil karim. قال والآخر يتلقى المحاد بأشر أو بأشر وبطر وطغيان فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم بشجع وهلع. صحيح. Celui qui délaisse ces deux points, al-iman ou al-amal al-salih, et il veut ses bienfaits de dunya, il veut se faire plaisir, il devient comme une bête. Sahih. Les bêtes, l'an, ils ne font pas partie des mukallafin. Enfin, le but de la bête, c'est de manger, dormir, ma'rouf, une bête. Al-kafir qui délaisse al-iman ou al-amal al-salih, il devient comme cette bête. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran al-Karim, il les a qualifiés, ils sont comme les bêtes. بل أضل سبيلا قال عز وجل بل ils sont pires. لأن la bête elle fait que ces choses, manger, dormir, se reproduire. Allah il l'a créé pour ça et elle reconnaît le Rabb. أما الإنسان il a pas été créé pour ça أبدا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلهذا البهيمة لأفضل من الكافر. قال ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب أبدا. والله الكافر اللي في ضيق ولو الأموال القصور tout ça والله son قلب il est pas مستريح. La preuve c'est parle lui de la mort et tu verras que son visage il change. أحيانا كافر parle lui de la mort لأنه هو il est toujours dans une optique de rajout, il veut de dunya. Quand tu lui cites la mort, il sait que la mort elle coupe tout ça, il le sait. لأن الكافر il connaît pas la mort. بل il se rassure هم. Il se rassure. Un homme, dès qu'un hadith meurt, il dit repose en paix, il est dans les cieux, c'est kadib hadali finnar, c'est un kafir. Lakin, la haqiqa, dès que tu lui parles de la mort, il sait très bien lui. Il a un doute, il ne sait pas ce qui se passe après. Et il a peur, ça le coupe. Liada, achat ma yakun al kafir, si tu lui parles de la mort. Allah, wajhu yataghayyar, walaw il a des milliards. Qala wa qalbu fa innahu ghayr mustarih al qalb, bal mushattatahu min jihat adida, مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته. ça c'est حال الكافر المجرم. كذلك ضعفاء الإيمان ceux qui ressemblent aux kuffar من المسلمين. ils ont un iman ضعيف. ils ont peur pour plusieurs raisons. ils sont pas مرتاح. لماذا؟ قال أولا قال مشتت من جهة خوف خوفه من زوال محبوباته. il a peur que cette chose elle part. مثلا il a une voiture. مثلا il a de l'argent. الشد ما يكون عليه c'est que cette chose elle disparaisse. alors que le mu'min قوي الإيمان يصبر. si cette voiture elle disparaît accident autre, inshallah il y aura une autre. لكن المجرم لا يصبر. قال ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن جهة أن النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى. c'est ça مشكلة مصيبة الدنيا الآن. الآن cette personne qui fait pas attention, pas d'iman, pas d'amal salih, et il rentre fait dunya bi quwwa, il veut toujours. C'est pour ça qu'on a dit ils sont dans une optique de toujours d'augmentation. Il faut rajouter. À dunya l'an il pourra pas tout avoir. L'an il va avoir une voiture, il va après il veut une deuxième, après il veut une troisième. Vous le voyez hada avec les drogues. Ils commencent par des drogues, ce qu'ils appellent douces. C'est du champ. Lakin, ils les appellent hakada. Tumma une autre, tumma une autre. Tumma yahlik nafsa. Hakada. Hakada. Ad-dunya li hakada. Si tu rentres, tu ne fais pas attention, tu voudras toujours plus. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a donné l'exemple avec Al-Wadi min Dahab. Il a un wadi, il veut wadiyan, il veut salat. Et il ne s'arrête plus jamais. Tumma yatra. Yatra à cause de l'man. Inna l'insana li yatra, ra'ahu stagna. هذا ثم يفيد الظلم ثم يهلك يلبس الدين. قال قد تحصل وقد لا تحصل. صحيح. il peut avoir plus. ça sera une épreuve. et Allah il peut l'éprouver. il a pas plus. s'il a pas plus, il يفشل. alors que le mu'min là, le mu'min il a ce qu'on appelle القناعة والعفة. il patiente et il accepte ولا aussi un peu. قال وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ولو تلودن سكتلودن يسوغ في قلق لأن هذا دار الدنيا. et Allah سبحانه وتعالى il a démontré أن celui qui délaisse هذا الدين يسوغ في ضيق قلق. ومن أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الشاهد معيشة ضنكا أي ضيق. si c'est carte du din il peut avoir des milliards. قال قال ويتلقى المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر فلا تسأل عما يحدث له من شقاء الحياة. اي والله je le vois في الكفار. ils ont une vie elle est triste et c'est un تعب. نعوذ بالله. ils ont aucun but. لا تغتر. tu les vois احيانا sourire faire la fête. والله ils sont في ضيق. et celui qui rentrait dans un bayt de kuffar يعلم هذا. tu rentres tu sens le ضيق. ils sont في ضيق. c'est des kafara. ils ont aucun but. ils ont aucun but. والعياذ بالله. قال ومن الأمراض الفكرية والعصبية كم منهم. ils ont ces maladies الآن. هذا إلى الجابت. هذا إلى تعلمون أن بعض الكفار ils ont des maladies. نعوذ بالله. des وساوس. منهم ils se lavent 50 fois dans la journée. منهم واحدة مرة صلى الله عليه وسلم واحدة مرة لابن مالادي الله تلاها كافرة مجرمة على une maladie أنها elle ne peut pas porter son enfant. والله elle ne peut pas porter son enfant. Anna a eu un enfant à la maternité là. Regardez le kufr ou l'ilhad, ce que ça veut. Elle est à la maternité là, elle est enceinte à la couche. Muslima tafrah. La femme muslima, c'est un des moments les plus joyeux pour elle. Elle attend que l'infirmière elle lui donne l'enfant dans ses bras. Wa tafrah, tartah, elle ne veut plus le lâcher. Hatta pour le laver, tata'ab le reprendre. Cette kavira qu'ils ont rapporté, ils ont rapporté هذه القصة أنها tellement qu'elle est في الضيق. elle a cette maladie que le Cheikh Saadi cite, elle ne veut pas avoir l'enfant. c'est une maladie, elle a un nom, Nassib, c'est quoi son nom. le docteur, il la raisonne, يا فلانا, c'est ton enfant, elle ne veut pas. si tu lui poses l'enfant, Obama le tue, Obama le... elle ne voit plus l'enfant. c'est une maladie, voilà. son enfant là, c'est quoi qui lui fait ça? est-ce qu'une femme qui est... qui est fi khair, elle est en paix avec elle-même, elle va rejeter son enfant, wallah la outamout. Laquelle c'est le kufr. Elle est fidhaiq. Ce moment où elle doit être heureuse, elle doit profiter, elle ne veut plus. Et là, t'as donné, elle fait ça avec plaisir. Là, elle pleure. Et... laquelle elle ne peut pas. Elle dit, n'emmenez pas cet enfant, je ne veux pas le voir. Sallallahu alayhi wa sallam. Hada c'est ma'rouf. Qala الأمراض الفكرية والعصبية ونادونها مثال ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات. صحيح. إذا طند نيفو نيفو نيفو كثير منهم يسوسويسيد. كثير منهم يسوسويسيد. والله بعضهم يسوسويسيد إلى أوتوب entre guillemets في الدنيا. Il a des voitures, des maisons, des femmes. Il n'a pas de problème niveau là. Lakin, il se suicide. Il est où le problème là ? Il n'y a pas d'iman, il n'y a pas d'amal salih. قال لأنه لا يرجو ثوابا ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه صحيح هذا c'est quoi لا يرجو ثوابا il a aucun but انت الان tu fais des enfants ولو t'as une maison ولو t'as quelque chose de dunya t'as un but تحتسب c'est pour ça que ça te facilite t'as une épreuve تحتسب t'as toujours le but انت la mort je vais rendre des comptes et j'espère aller vers le jannah المجرم هذا il a pas tout ça un petit truc il lâche tout نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية. ce إسلام ce إيمان خاصة المنهج السلفي c'est une نعمة. t'es في خير. tout ce que t'as vécu à Dammaj et autres avec le Hawatha avec Fulan avec toutes ces épreuves t'as gardé ton calme et t'es في خير. un kafir une petite chose Allah sa vie il peut plus. Ahmadullah et al-inaya bi hadhihi an-ni'ma c'est la chose la plus importante que t'as. لا تغتر بالأموال certaines personnes elles sont à l'aise et tout تأنفع شيء أهم شيء أصلح شيء في الله هذا التوحيد سمنهج نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مع تحية دماج أفاق.com ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين لا تركن إليهم هؤلاء ثعابين